Maintenant on sort l'instrument que je t'ai donné. Et je vois les tes jours dépassés à essayer d'apprivoiser l'ange que j'étais, bah, bah, bah. L'ange que j'étais. L'ange que j'étais, l'ange que j'étais.